Lévitique chapitre 15. L'Éternel parla aussi à Moïse et à Aaron, en disant, parlez aux enfants d'Israël, et leur dites, tout homme à qui la chair découle, sera souillé à cause de son flux. Et telle sera la souillure de son flux, quand sa chair laissera aller son flux, ou que sa chair retiendra son flux, c'est sa souillure. Tout lit sur lequel aura couché celui qui découle, sera souillé, et toute chose sur laquelle il se sera assis, sera souillée. Quiconque aussi touchera son lit lavera ses vêtements, et se lavera avec de l'eau, et il sera souillé jusqu'au soir. Et qui s'assiera sur quelque chose sur laquelle celui qui découle se soit assis, lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et il sera souillé jusqu'au soir. Et celui qui touchera la chair de celui qui découle, lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et il sera souillé jusqu'au soir. Et si celui qui découle crache sur celui qui était net lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et il sera souillé jusqu'au soir. Toute monture aussi que celui qui découle aura monté, sera souillé. Quiconque touchera quelque chose qui aura été sous lui, sera souillé jusqu'au soir, et quiconque portera de telles choses lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et il sera souillé jusqu'au soir. Quiconque aura été touché par celui qui découle, sans qu'il ait lavé ses mains dans l'eau, lavera ses vêtements, et il se lavera dans l'eau, et il sera souillé jusqu'au soir. Et le vaisseau de terre que celui qui découle aura touché, sera cassé, mais tout vaisseau de bois sera lavé dans l'eau. Or quand celui qui découle sera purifié de son flux, il comptera 7 jours pour sa purification, il lavera ses vêtements, et sa chair avec de l'eau vive, et ainsi il sera net. Et au 8e jour il prendra pour soi 2 tourterelles, ou 2 pigeonneaux, et il viendra devant l'Éternel à l'entrée du tabernacle d'assignation, et les donnera au sacrificateur. Et le sacrificateur les sacrifiera, l'un en offrande pour le péché, et l'autre en holocauste, ainsi le sacrificateur fera propitiation pour lui devant l'Éternel à cause de son flux. L'homme aussi duquel sera sorti de la semence, lavera dans l'eau toute sa chair, et il sera souillé jusqu'au soir. Et tout habit, ou toute peau sur laquelle il y aura de la semence, sera lavé dans l'eau, et sera souillé jusqu'au soir. Même la femme dont un tel mort à la compagnie, se lavera dans l'eau avec son mari, et ils seront souillés jusqu'au soir. Et quand la femme sera découlante, ayant son flux de sang en sa chair, elle sera séparée 7 jours, et quiconque la touchera sera souillé jusqu'au soir. Toute chose sur laquelle elle aura couché, durant sa séparation, sera souillée, toute chose aussi sur laquelle elle aura été assise, sera souillée. Quiconque aussi touchera le lit de cette femme, lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et il sera souillé jusqu'au soir. Et quiconque touchera quelque chose sur laquelle elle se sera assise, lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et il sera souillé jusqu'au soir. Même si la chose que quelqu'un aura touchée était sur le lit, ou sur quelque chose sur laquelle elle était assise, quand quelqu'un aura touché cette chose-là, il sera souillé jusqu'au soir. Et si quelqu'un a habité avec elle tellement que ses fleurs soient sur lui, il sera souillé 7 jours, et toute couche sur laquelle il dormira, sera souillé. Quand aussi la femme découle par flux de son sang plusieurs jours, sans que ce soit le temps de ses mois, ou quand elle découlera plus longtemps que le temps de ses mois, tout le temps du flux de sa souillure, elle sera souillée comme au temps de sa séparation. Toute couche sur laquelle elle couchera tous les jours de son flux, lui sera comme la couche de sa séparation, et toute chose sur laquelle elle s'assied sera souillée, comme pour la souillure de sa séparation. Et quiconque aura touché ces choses-là, lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et il sera souillé jusqu'au soir. Mais si elle est purifiée de son flux, elle comptera 7 jours, et après elle sera nette. Et au 8e jour elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux, et les apportera au sacrificateur à l'entrée du tabernacle d'assignation. Et le sacrificateur en sacrifiera l'un en offrande pour le péché, et l'autre en holocauste. Ainsi le sacrificateur fera propitiation pour elle devant l'Éternel, à cause du flux de sa souillure. Ainsi vous séparerez les enfants d'Israël de leur souillure, et ils ne mourront point à cause de leur souillure, en souillant mon pavillon qui est au milieu d'eux. Telle est la loi de celui qui découle, et de celui duquel sort la semence, qui le souille. Telle est aussi la loi de celle qui est malade de ses mois, et de toute personne qui découle, et qui a son flux, soit mâle, soit femelle, et de celui qui couche avec celle qui est souillée.